Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cynic. En direct et pendant une heure complète. Et c'est Yannick Carr. Planet Rap Cynic, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, passez une bonne soirée. Comment ça va, Cynic? Bah écoute, bien. Hein. Bien, on est à 6 jours. Ouais. 6 jours de la sortie, Immortel 2, qu'on va continuer à découvrir ce soir. Yes, ça sort lundi. Hier, on a passé une très belle soirée pour débuter ce retour. Ouais. Même si c'est vrai, les gens m'ont dit, mais il est jamais vraiment parti, il était là, il a tourné. Ah non, on revient tous les ans. Et c'est ça, en fait. T'inquiète, on revient tous les un an et demi. Bon, bah en tout cas, il est de retour dans Planet Rap Cynic avec l'album Immortel 2 qu'on va continuer à découvrir ce soir. Des invités qu'on va vous présenter dans un instant. Yes. Et juste avant d'attaquer, petit replay de ce qui s'est passé hier soir. Vas-y. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Cynic parlait aussi de ce parcours, hein. Mine de rien, ça commence à compter. Ça en fait, hein, de la bouteille. Ça en fait quelques planètes rap. Grave, ouais, on parlait de ça tout à l'heure, ouais. C'est vrai qu'on est venu pas mal de fois ici. Après, moi, tu me connais, j'ai jamais vraiment couru après ce truc-là. Quand j'étais celui qui vendait le plus d'albums en France, tu m'entendais pas trop parler. Si, tu disais à ce moment-là, ouais, je vais arrêter. Ouais, non, mais parce que j'étais usé. C'est vrai que ça m'a usé. Les trois premières années, elles m'ont fatigué vraiment physiquement. Mais même à cette époque-là, tu m'entendais pas parler. Mon discours, il a pas changé. J'ai pas commencé à dire à tout le monde que j'étais le plus gros ou quoi. Donc, on a toujours fait notre bonhomme de chemin de la même manière. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Tu vas kiffer mon pote, tu t'en. Alors admets que je suis de spi à la Michael Owen. Ton rap, c'est M-Bohan, tu flambes. Pour toi c'est mort parce que je suis riche, toi t'es pauvre. Je suis beau, toi t'es moche, moi je suis un hoge, toi t'es pop. T'en veux encore, mais ça va pas, t'es fou. Plus que si quand t'es dans le rap, mais moi j'y suis, je te vois pas, t'es où. Planète Rap Cynic. L'histoire commence au Zulis en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout a l'air grand mais faudra bien s'y faire. J'avais 4 ans mais les souvenirs me sont restés intacts. Ainsi débute ma vie entre les terrains spé et le terrain vague. De jour en jour mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera au... Planet Rap. Mes frères, et j'arrête tant que tu te gardes. Bonsoir qu'on parle car aujourd'hui les parents craquent. Regarde ta vie, regarde ce que t'as réussi à faire. T'es voué à l'échec et t'as fait pleurer ta mère. À force de jouer avec la rue, t'as perdu tes principes. T'es plus qu'une cible pour les flics, t'es plus qu'un gosse sans avenir. J'en ai marre des réunions de famille entassées au parloir. T'as pas le droit de niquer leur vie, non t'as pas le droit de nous faire ça. J'ai pas choisi le mois passé sous les barreaux. Je ne suis pas fier d'accélérer le vieillissement de la daronne. C'est ça. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. In this life, dans cette vie, I'll join everyone. Ooh, and understand, cause all men die. Ouais, on voulait faire un album chargé, donc on savait que ça prendrait du temps. Et voilà, et la différence avec les autres albums, c'est que là j'ai fait énormément de morceaux, tu vois, pour en garder quelques-uns au final. Docteur, est-ce que c'est grave si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser. À tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame. Payer le prix du passé. Si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets, rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. C'était hier soir en direct avec Cynic sur Skyrock. Imaginons quelques années en arrière, t'aurais écouté ce morceau par un autre rappeur et tout, tu te serais dit quoi? Tu serais dit un peu moralisateur, un peu... Ça peut paraître comme ça, mais sauf que moi j'ai le recul et je pense le vécu aussi pour l'écrire. Tu vois, je pense que c'est pas un morceau que t'écris à 20 ans, parce que ça peut paraître prétentieux. T'as remarqué que je m'inclus dedans aussi. C'est une autocritique, c'est aussi. J'ai vécu cette vie-là. La plupart des trucs que je dis dans cette chanson, c'est des trucs que j'ai puisé chez moi, en fait, tout simplement, tu vois. Maintenant, si les jeunes d'aujourd'hui, ils accrochent sur certains sons, bah tant mieux. Ah, ok. Pour tous les soirs, 20h-21h. Et si Yannick Carr. En direct avec Cynic sur Skyrock. Ah là, c'était hier soir dans l'émission, une petite partie de l'émission. Ouais. Hier soir, entre 20 et 21, on est reparti pour une nouvelle soirée avec l'album Immortel 2. Yes. Qu'on découvre et qui sort le 13 avril, c'est la semaine prochaine avec lundi. Cynic. Lundi, soyez au rendez-vous. Tiens, t'as des invités qui font des selfies. Yes. Exactement. Dans le studio, tout discret, ces gens. Le Wu-Tang, c'est les rois du selfie. Bah alors, présente-nous un peu qui sont tes invités. Nous, on les connaît bien ici à Skyrock, puisqu'on est partenaire de leur spectacle. Ouais. Ils commencent à tourner déjà depuis combien maintenant? Un an et demi. Un an et demi. C'est ça, exactement. Bah, c'est un plaisir d'être nous, d'être ici avec Signé, qu'on vient soutenir l'album du Refrain. Ça, on est très content qu'il revienne en tout cas. Donc, c'est une petite partie de l'équipe du Whoop. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, exactement. Bah, malheureusement, ouais, les autres, ils ont pas pu se libérer parce qu'avec les tournages, la promo aussi du spectacle, etc. Du coup, on va essayer de se libérer au fur et à mesure de dans la semaine. Ils sont trop busy, les mecs. Vous êtes combien d'ailleurs au sein du Whoop pour ceux on qui... est 7. 7. 7 humoristes, ouais. Alors, qui de nom? Alors, il y a Mr. V, il y a Hugo tout seul, il y a Youssef Hadjabi, Malcolm to the World, Jérémy Detlo, moi-même, Hakim, donc. Et Mike Henley, donc il y a un ancien chanteur, Mike Henley pour le coup. Ouais, c'est une équipe. Toi, tu les as vus sur scène Non, pas encore. Toi, t'as entendu parler d'eux comment s'est rencontrés en fait il n'y a pas longtemps. On a participé à une opération promo en fait, un tournoi de foot. J'ai mes petites cousines en fait qui étaient fans de ouf, tu vois, qui pétaient les câbles parce qu'ils savaient qu'ils allaient être là, etc. Et du coup, après, ouais, c'est vrai que j'ai un peu découvert leur truc, même si je voyais beaucoup sur Insta en fait. Je vois qu'ils bougent énormément, je vois que. C'est la nouvelle génération de comiques, t'as vu, ou du Maurice. Ouais, c'est vrai que vous associez non seulement le net, la partie net, et sur scène aussi. On est partout, ouais, partout. On est sur scène, donc au théâtre de la Bloc, comme je te dis tout à l'heure, et puis on est surtout sur YouTube, en vérité. D'accord, bah allez cliquer, allez vous renseigner, vous avez bien tapé des barres de rire avec Whoop. Toi, t'as décliqué deux, trois trucs déjà, cynique ou pas? Ouais, c'est des grands malades. Rien que sur Insta, déjà, je vois les trucs qu'ils font, c'est des grands ouf. Bon, alors, cette photo que tu prenais va finir ouf. Elle va finir sur Insta, sur Twitter, Insta, partout, ouais, évidemment. D'accord, avec une petite légende, un petit truc en particulier Foncez acheter l'album de Cynique, hein, c'est ça. Il est bien briefé, ça. C'est bien. Un bon invité. Bon invité, Kim, bravo. Hein. Bah, attends, c'est normal. Et en plus, il m'a pas briefé, en plus, c'est naturel. Ouais, non, c'est cool. La famille, merci d'être là. C'est un plaisir. Soutenez. Et vous êtes en tournée? Oui, dans toute la France, là, on va filer les dates, on va récupérer les dates, on les a parce qu'on est partenaire de la tournée. Vous revenez aussi à Paris bientôt, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, on revient à Paris le 17 avril au théâtre de l'Apollo, donc anciennement le Temple. Et en ce moment, c'est vrai qu'on est un peu en tournée partout, là, on joue à Marseille, Perpignan, etc. Bon, bah allez-y, balancez des messages pour Cynique, pour le Whoop, le hashtag Cynique sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Et on débute avec le cancer de la banlieue, le clip arrive aujourd'hui, c'est ça, le clip est arrivé aujourd'hui à midi. Donc voilà, on vous invite à y aller, YouTube, partout, cliquez la famille. Vrai rap. Et on l'écoute maintenant ce morceau, le cancer de la banlieue sur Skyrock. Ça sort lundi, la famille immortelle 2S, Yannicka, on est là. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser, à tout prix être une machine de billets, en privé j'en oublie même de prier, de quoi en faire un drame, payer le prix du passé, si j'ai appris à faire des liasses avant de fermer la série, le clip est dispo. J'ai rendu fou les scanners, chef je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. J'ai le cancer des mecs de banlieue, personne ne m'engage. Les coups de tête, je connais que ce langage. Je vois le mal partout. Tais-toi, tu parles au portable. C'est moi qui fais des doigts, qui porte une arme dans les reportages. Syndrome de la cité. Obtenir le studio gratos. Gratter l'état avant qu'un pote pétale le matos. Le fond n'est pas mauvais, mais tellement de choses à prouver. On ne cherche pas de taf, on se plaint de ne pas en trouver. On pleure le manque de thunes. Si tu peux prendre les profs nous l'avaient dit, fallait bosser plutôt que se branler. La solidarité, on fait croire que ça nous tourmente. On collectionne les bifs collectifs dans les tournantes. Hier, haine gratuite, police et maton. Dommage pour se faire battre, on a nous-mêmes donné le bâton. Celui qui cherche la merde, on le baisse en mettre de vaseline. En insultant son père et sa mère comme Samir Nasri. On ne s'aime pas, maintenant c'est visible. Les trophées du hip-hop ont révélé notre hip-hop crise. La force venait du nombre. Le rap s'est tué. Les seuls trophées du monde où les gagnants se faisaient huer. Alors on chante notre haine comme des rossignols. Des marionnettes qui n'ont même pas leur place au guignol. On ruine le peu qu'on a. C'est dommage, maladie mortelle. Je pense que les seules balles qu'on a tirées visaient nos orteils. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser, à tout prix être une machine de billets, en privé j'en oublie même de prier, de quoi en faire un drame, payer le prix du passé, si j'ai appris à faire des liasses avant de fermer la série, rien dans le crâne, j'ai rendu fou les scanners, chef je ne baisse pas la tête, baisse ta mère, on préfère dire que tout est truqué. Des ignorants, si on s'affiche, c'est pas de la faute à Laurent Ruquier. Chacun ses torts, malgré ce pays raciste. En crachant sur la France, on scie la branche où l'on s'est assis. Le rôle du vrai bonhomme, une gueule de coupable. Oublie les apparences, on peut remplir les caves de poucave. Rappeur, on a ton blaze. J'espère me tromper. La loyauté prend fin là où commence la peur de tomber. Et on s'étonne qu'ils refusent de faire de la pub trop violent. Pur parisien, que des ta mère la pute au volant. Je suis de ces mômes de Tess, apparence impeccable, une avalanche de haine sur TF1, je parle comme un P4. On veut rien écouter, on aime se saboter, on joue les mecs soudés, on fait la guerre au quartier d'à côté. Alors on compte les morts, c'est devenu un sport du sang dans l'horoscope, être l'équipe qui va mener au score. Sinon ça brûle des caisses, loin de la droiture, on croit changer le monde en privant le voisin de sa voiture. L'odeur du barbecue, casser les barrières, visage masqué, y'a que Daft Punk qui a fait carrière. Plein de haine, regard égorgeur, tous les mêmes, parce que les putes font pas des Yorkshire. Ils veulent me la fermer, sur ma tête je ne lâcherai rien. Incapable de gérer sa fierté comme un Algérien. Docteur, est-ce que c'est grave, si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser. À tout prix être une machine de billets, en privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame, payer le prix du passé. Si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets, rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners, chef je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. Le cancer de la banlieue, le clip est arrivé, ça y est aujourd'hui. Hein. Yes, c'est sur YouTube. Donc nouveau voilà. Clip. Allez-y la famille, hein. Cliquez, régalez-vous, faites-vous plaisir. C'est avec là. Cynic, notre invité ce soir. Ce soir, c'est vous qui posez des questions à Cynic, hein, avec le hashtag Cynic sur Skyrock et par téléphone aussi. Je te présente tout de suite Cynic, Jeanne de Grenoble. Salut Jeanne. Salut, allô. Comment ça va Jeanne? Ça va, tranquille. Bon, toi tu suis Cynic depuis un moment? Depuis un moment quand même. Depuis l'album et tout. C'est cool, merci à toi. Bah, le prochain sort lundi, le 13 avril. Ouais, bah je vais télécharger ça. Hein. Légalement, bien sûr. Légalement, oui. Ah, maintenant, faut préciser. C'est bien en même temps pour le spectacle, parce qu'on salue, tiens, il y a Hakim qui est là aussi, ouais. Qui fait partie de l'équipe du Whoop. Yes. Qui sera sur scène. Je vais voir s'il sera pas près de chez toi, d'ailleurs. Je vais regarder les dates et vous les filer dans un instant. Ça, pour télécharger sur scène, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Hein. C'est un peu plus compliqué, ouais. Surtout que pour l'instant, il n'y a pas de DVD, rien. Donc, ça va être chaud. Donc, faut aller juste voir sur scène. C'est l'équipe du Whoop. Jeanne, quelle est ta question? On t'écoute. Alors, je voulais te demander, donc, si tu continues plus tard à sortir des sons et tout, est-ce que tu vas rester dans le rap avec des textes ou alors tu vas suivre la tendance et faire genre de la trappe, des machins comme ça? c'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question, ouais, Jeanne. J'ai envie de te dire, quand t'auras écouté l'album, t'auras ta réponse, hein, déjà, parce que voilà, tu verras que non, en vrai, moi, suivre la tendance. J'ai vu des gens sur le net qui m'ont dit, ouais, t'as intérêt à te faire ça, sinon t'es mort, machin. Je m'en bats les couilles. Je t'ai dit, franchement. Mais c'est pour ça que tu l'as appelé Immortel 2 aussi, cet album. C'est ouais, dire, voilà, on est déjà, parce qu'il y avait déjà un 1. Il y avait le 1, ouais. Qui était sorti, et puis voilà, on est toujours là. T'as vu, c'est la musique qui reste, t'as vu, c'est pas nous. Donc voilà, moi, j'ai pas. Bah ouais, c'est pour ça que ouais, t'es un de mes rappeurs préférés, parce que justement, t'es vrai dans les textes et tout, et donc change pas, reste comme ça, quoi. Ouais, bah écoute, c'est gentil, hein, merci beaucoup. Bon, après, ça empêche pas aussi de temps en temps de tenter des morceaux. Ce que j'ai dit, t'as vu, on en parlait hier. Il y a un morceau, on va dire, qui s'y apparente, où je me suis tenté un peu à faire voilà, des tonalités, des flows comme ça, pour montrer aussi aux gens qu'on sait le faire. Mais ouais. Voilà, c'est ce que je disais hier. Après, il reste 13 autres morceaux où tu peux aussi voilà, donner ce que les gens attendent de toi. Alors, en même temps, tu l'as toujours fait. Alors, c'était peut-être pas forcément sur du trap, mais quand tu fais Bienvenue chez les Bilka, enfin, quand tu fais des morceaux comme ça. De temps en temps, tu vois. Des morceaux plus légers, quoi. C'est des récréations. Voilà. Tu vois, on n'a pas l'habitude de le faire. Moi, j'écris beaucoup, donc j'ai mon délire, j'ai mon truc personnel. Et de temps en temps, quand je fais ça, c'est une autre manière d'écrire, c'est d'autres sons. Donc voilà, c'est des trucs un peu plaisants. Je l'avais fait aussi avec Sopra sur Ballon d'Or. J'avais fait Adrénaline, tu vois. De temps en temps, il y a toujours un ou deux morceaux comme ça, histoire de montrer aux gens qu'on s'est rappé aussi différemment, même si c'est pas ce qu'on fait tous les jours, quoi. Ok. Est-ce que ça te convient, Jeanne? C'est bien, ça me convient très bien. Parfait. Est-ce que je vais passer une petite dédicace ou pas? Eh bah, allez. Allez, mais oui, Jeanne, bien sûr, vas-y, on t'écoute. Ouais, je fais une dédicace à Bibi, Lulu, Agathe, Raph Pontovin, Clémentine, Romain qui écoute Skyrock, mon frère, mes parents et ma famille qui m'écoute. Voilà. Et bon, on te fait plein. Et à toi, Cynic, à vous, Skyrock, c'est vous gérez et tout. Voilà. Et bon, on fait plein de bisous et oui, pas. Voilà. Le 13 avril. Vivement lundi, bah ouais, oui. Et comme tu télécharges, oublié, mais légalement, ouais. Tu peux déjà précommander. Tu sais quoi, précommander, je crois qu'il y a des titres en plus, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, jusqu'à dimanche d'ailleurs, faut préciser. Pour ceux qui veulent la version collector, c'est jusqu'à dimanche. dimanche minuit. Donc voilà, avec deux titres en plus. Deux titres en plus si tu précommandes dès maintenant. iTunes. En raccrochant, Jeanne, par exemple. Merci beaucoup. On te fait un bisou, passe une bonne soirée. Ah, elle est partie déjà, Jeanne. Ah non, elle était là encore. Non, non, je suis plus encore. Ah ouais, on te fait un bisou. Ciao, ciao. Ciao, au revoir. Ciao. Clément de Aigues-Mortes. Salut Clément. Ah, allô, allô, bonsoir. Comment ça va, Clément? Bah, ça va super, hein, toujours, hein. Et c'est... comment il va, le patron du rap français? Ah, du neuf, hein. Écoute, ça va, mon poteau, quoi. Ça va, ma gueule, hein. Tranquille, et toi? Ça va, si, si, repasse dans le 3-4, la famille. Ah, ouais, bientôt, bientôt, j'espère, j'espère. Montpellier, tout ça, ça manque. T'inquiète. Si, si, Inch'Allah, hein. Inch'Allah, j'espère, frère. Et eh ben, on t'écoute. Alors, quelle est ta question, Clément? Ah, ma question, ça serait, est-ce que tu penses continuer après Immortel 2, t'as vu? Je t'avoue que c'est une bonne question. C'est aussi une bonne question, c'est vrai. Ça, c'est une très très bonne question. J'attends de voir les retours déjà un peu, de voir comment les gens suivent le projet, etc. Et disque de platine cette année, disque de platine, ah, ma si gueule. On fait disque de platine, je te refais un album dans un an. Y a pas de souci. Dans un an, il est prêt le prochain. Genre, non, mais platine, c'est, pas... c'est 100 000 albums vendus. Hein. Ouais, c'est l'ancien disque d'or en fait. C'est l'ancien disque d'or, ouais. Voilà, exactement. Non, mais après, ça dépend pas que des résultats, ça dépend de comment je le sens. Tu sais, la musique, c'est un truc, si c'est forcé, ça se voit. Tu peux pas mentir sur ça, donc voilà, ça sera à l'envie, ça sera voilà, je vais me poser dans quelques mois, je vais faire le point sur cet album. J'espère qu'il marchera de tout cœur avec toi, c'est la gentil, première. C'est gentil, merci frérot, on est ensemble. T'inquiète. Est-ce que d'ailleurs, si je rejoins Clément, parce que c'est vrai qu'il y a une époque d'ailleurs, quand tu marchais beaucoup déjà, ou quand tu vendais peut-être plus que maintenant, tu disais ouais, j'arrête bientôt. Ouais. Bon, alors, tu nous expliquais un peu hier parce que c'était un rythme qui était épuisant, il y avait beaucoup de tournées. C'était beaucoup... une connerie, on peut le dire aussi. C'était aussi une connerie. Fermer sa gueule, parfois faut pas trop parler. Mais ouais, t'es dans quel état d'esprit est-ce que tu te vois encore rappeler, je sais pas, dans 5, 10 ans? Non, dans 5 ans, honnêtement, non, 40 piges, je pense. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, après la passion, elle sera toujours là. Il y a des gens comme Cool Chain avec qui t'as collaboré d'ailleurs. Ouais, non, mais après voilà, je respecte ceux qui le font parce que voilà, chacun l'entend comme il a envie. Moi, je suis pas là pour leur dire à tel âge il faut absolument arrêter ou pas. Chacun fait comme il veut. Moi, sincèrement, à 40 piges quand même. j'ai du mal à me projeter, à me dire que je serai encore là sur la scène, yo-yo la banlieue, tu vois. Non, ça va être. Je suis pas sûr. Après, c'est vrai qu'on est sûr de rien dans la vie. Déjà, il y a un album. Maintenant, je les prends. Voilà, c'est comme les matchs de foot. T'as vu, c'est un par un maintenant. Mmh. On prend les albums les uns après les autres et on attend, on regarde. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, voilà, bah, j'ai pensé tout de suite à Cool Chain parce que c'est vrai que t'avais collaboré avec lui, qu'à une époque, lui disait, ouais, je me mets en retraite, ça y est, c'est fini, et qu'il est revenu, qu'il avait sorti. Mais je pense et que là, il est d'ailleurs en train de bosser sur un nouvel album aussi. Ouais, mais après, voilà, c'est qu'il pense peut-être qu'il a encore des choses à apporter, etc. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, faut savoir s'arrêter, c'est mon avis. Et que si t'estimes que t'as plus rien à apporter, ou que tu vas au studio en traînant un peu des pieds, ou tu vois, des trucs comme ça, c'est mauvais signe en général. Donc, tant que t'as la passion, tu peux continuer. À la base, faut pas oublier un truc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur les chiffres, sur les top iTunes, top album, top tout ce que tu veux. À la base, c'est une passion. Ceux qui continuent à en faire comme moi aujourd'hui, c'est par passion, tu vois. On est passé de 250 000 à 50 000, on en parlait hier, on est honnête. Et ben, si on est là, c'est parce qu'on est des passionnés, parce qu'on aime écrire, parce qu'on aime faire de la musique. Donc, tant qu'il y aura ce truc-là, ouais, t'as vu, je serai là. Après, le jour où j'aurai plus ça, j'arrêterai. Et tu dois quand même continuer dans la musique, peut-être plus en prod. Ah, fin... mais t'as vu, 6ix9ine est toujours là. C'est hein, pour ça que je te dis ça. On est là. Il y a Kaina, il y a l'artiste. L'artiste, ouais. Il y a eu l'Algérino aussi auparavant. On a eu plein d'artistes, il y a eu Sifak. Tu vois, on continue, on a une boîte de clips, on fait des clips nous-mêmes, on fait plein de choses, hein. Faut pas croire, hein. Il n'y a pas que l'aspect visuel, ce que vous savez, vous. Il y a plein de trucs qui se passent dans les bureaux, chez nous, dans le 15e, et voilà, on bosse. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai ma structure. Ouais, c'est ça, structure. Donc, ça veut pas dire elle que est tu là, décrocheras je forcément là, la musique. Et s'il faut produire des jeunes, après, on le fera. Tu vois, aujourd'hui, il y a des jeunes des Ulysses qui sont là, qui sont avec nous. On mettra des sons d'ailleurs dans la nocturne. Et on fera découvrir ça aux gens. Voilà, on est toujours aussi dans cette optique-là. Tu vois, on est toujours dans cette optique-là. Nous, on a un certain vécu, on a quand même fait pas mal de choses. On a une structure aussi aujourd'hui pour travailler. Si on peut en faire profiter quelques-uns qui le méritent et qui ont le talent et qui ont la niaque, t'as vu, ça nous fera plaisir aussi. Donc voilà, pourquoi pas. Clément, est-ce que ça a été bien pour la réponse? J'avais oublié que t'étais là, frère. Ouais, tellement j'ai parlé, je te dis la vérité, j'avais oublié que t'étais là. Moi, j'ai pas oublié, Clément. C'était pour prolonger un peu ce que tu nous disais, ce que tu nous demandais. Ah ouais, carrément. Mais après, moi, comme je dis, il y a un temps à tout. À un moment donné, c'est vrai qu'aussi. Voilà, quoi. Ouais, faut s'arrêter, faut pas faire le match de trop, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, t'as encore des choses à dire. Ouais, t'inquiète, famille. Sinon on ne serait pas t'es là. T'es tout pété encore. Sinon on serait pas là, t'inquiète. C'est merci gentil. À toi en tout cas, Clément. Ici, en tout cas, t'as mon soutien. Yes. Qu'à la mort, la famille. Merci, frérot, merci t'inquiète. Du cœur, du cœur. Yes. Merci beaucoup. Vite lundi, pour en acheter 3-4 direct. Si tout le monde fait comme toi, on est bien. Une rupture de stock dans le 34. Yes. Mais je te parle sincèrement, hein, c'est nickel. Non, frère, je te crois, tu sais, on arrive à savoir quand c'est sincère ou quand c'est surjoué, donc t'inquiète pas. Ça vient du cœur. C'est gentil, frérot, merci. Merci à Clément d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission dans le Planète Rap entre 20 et 21. Je rappelle qu'il y a Hakim aussi qui fait partie de l'équipe du Whoop. C'est toi qui Hakim là. C'est toi qui sonne depuis tout à l'heure, non? Non, c'est moi. Non, je me disais merde. toi, le souvenir que t'as des premiers sons de Cynic, c'est quoi? Moi, pour te dire la vérité, je suis depuis de tout début. Hein, c'est pour ça que quand Cynic m'a dit passe, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que moi, je suis depuis tout le départ et je soutiendrai jusqu'au bout ces sons à ce mec-là parce que je trouve que c'est pour moi, c'est un des pionniers. C'est la classe, c'est le rap, c'est du vrai rap. Je kiffe vraiment ce qu'il fait. Toi, t'as été bercé aussi par le rap. Moi, j'écoute que du rap français en vérité. Évidemment, j'écoute du carré parce qu'on va pas cracher dessus non plus. C'est de là que tout est né. Mais évidemment, ouais, Cynic, ça fait partie de c'est un de mes rappeurs préférés. Bon, est-ce que un peu comme dans les vestiaires de foot, l'équipe du Whoop, il y a du son qui tourne dans les loges. On a tous kiffé Contradiction, l'album, le peu clic qu'il a sorti la semaine dernière. Là, on a tous kiffé, on a tous partagé. C'est vraiment très très lourd. On a vraiment tous kiffé. Ça nous a fait plaisir de retrouver un peu Monsieur Punchline entre guillemets, parce que il était Punchline à chaque fois. Et c'est ce qu'on kiffe nous, même dans le Whoop. Tu vois, même nous, nos vannes, c'est des punch. On essaie d'envoyer des punch. C'est pour ça en fait que même moi en fait, c'est le mec dans le rap de qui je me rapproche le plus. Toi, t'as commencé quand justement par les ligues d'impro, ce qu'on appelle les ligues d'impro, c'est ça, beaucoup d'impro. Exactement, moi j'ai fait de l'improvisation depuis que je suis tout petit, je fais de l'improvisation, donc j'étais dans des ligues d'impro, je fais partie de plusieurs troupes d'improvisation, et puis ensuite je me suis mis au stand-up mais toujours. Parce que ça, c'est aussi un sacré taf. Enfin, moi, les mecs, ils m'hallucinent déjà monter sur scène. Non mais c'est quoi, nous on fait de la scène, c'est de la musique, mais on a la musique derrière nous, c'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose qui nous accompagne. Un petit filet qui tient quoi. Faire rigoler les gens, je te jure que c'est le boulot le plus difficile. Il y a eu des trucs toi où tu t'es tapé des fours pas possible. Des trucs, tu dis merde. Au départ, quand tu fais de l'improvisation, tu peux taper des vrais fours, c'est chaud. Mais au fur et à mesure, t'acquiers un peu d'expérience et t'as toujours des barrières sur lesquelles t'accrocher. Et du coup, ça arrive pas. Donc, c'est quoi? C'est choper quelqu'un du public? Entre autres, tu peux rebondir sur une vanne ou tu sais, il faut faire en sorte de pas se sentir mal à l'aise quand tu fais. Par exemple, dans le studio, tu vas attaquer quelqu'un là ou ils sont... Non, ça a l'air chaud. Donc, je vais rester mignon ce soir. T'as vu, tout le monde m'a regardé. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que je te dis ça. Bon, Hakim qui est là, qui fait partie de l'équipe du Whoop. Tiens, j'ai les dates du Whoop pour retrouver le Whoop en tournée. Vous êtes 7 sur scène. Il y a de l'échange. C'est un plateau. Il y a tout et du stand-up. Il y a de la musique. Même on fait même un nouveau sketch. C'est un petit rap contender. C'est un peu de clash comme tu disais à l'ancienne. Ça c'est tout nouveau. On a plusieurs sketchs, plusieurs interactions les uns vers les autres. Faut passer. Loop est pas le 10 avril, c'est à Marseille. Le 11 avril à Perpignan. Du 17 au 30 avril à Paris au théâtre Apollo. T'en parlais. C'est ça. 28 avril à Pessac. Pessac, c'est près de Bordeaux. Le 28 mai à Dijon, le 29 mai à Sochaim, c'est près de Mulhouse. Sochaim. C'est chez moi, ça, en plus, c'est pas loin de chez moi. Ah, c'est ça, là. Ouais, je suis alsacien. Je me disais, il y a l'accent alsacien, c'est ça. Le 30 mai, Saint-Julien-les-Metz, le 6 juin à Nantes, le 12 juin à Morges, le 19 juin à Lyon. Et après, ce sera en octobre à Schiltegheim. Et 3 octobre à Belfort aussi. Et puis il y a d'autres dates, je pense, qui vont arriver. On peut suivre où d'ailleurs l'équipe du Whoop? On peut suivre où toi aussi sur les réseaux sociaux? Le Whoop sur Twitter, Instagram, Hakim Jimmy. Ouais, un peu partout, sur Twitter. Mais ce soir, on est là pour soutenir Cynic avant tout. Hashtag Cynic, le Whoop, c'est top. Et l'album lundi surtout. Allez cliquer, qu'est-ce qu'on met comme morceau Cynic? Je sais pas, comme d'hab, tu connais, à ce moment-là, on sait jamais quel morceau. On met un peu de pub. On met la pub et comme d'hab, on en parle après. Et on continuera aussi, c'est vous qui prenez le contrôle, qui posez des questions à Cynic ce soir. On retrouvera dans un instant Kylian qui posera une question à Cynic, bougez pas. C'est juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Cynic pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cynic. Le Planet Rap avec Cynic cette semaine entre 20h et 21h et l'album qui arrive lundi 13 avril avec une toute petite partie du Whoop Gang, mais partie importante. Ils sont là, ils sont représentés. C'est monsieur Hakim Djemili avec nous. Ouais. Entre 20 et 21 dans le Planète Rap. Ouais, et on passe une dédicace à tous les réseaux sociaux, frère. Exactement. C'est important, frère, qu'ils soient là avec vrai, nous. C'est Facebook, vrai. Twitter, c'est Instagram, vrai. YouTube, la famille, Cynic officiel de partout. Partagez. Voilà, rejoignez-nous. Allez. Allez partager, allez cliquer, rejoignez aussi. Il y a la chaîne officielle de Cynic. Hein, on peut mater justement les clips, le dernier qui arrivait. Notamment celui qui est arrivé aujourd'hui à midi. Et voilà, sinon Facebook, Cynic officiel, Twitter, Cynic officiel, Instagram, Cynic-du-bas officiel. Voilà, rejoignez-nous la famille. Et dans Cynic. Un instant, à pas louper DJ Joy, pardon, qui nous a préparé un autre medley. Ouais, parce que celui d'hier, en fait, il a fait son petit effet. Ouais. T'as vu, on a eu pas mal de retours par rapport à ça. Ça a fait kiffer les gens. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va en balancer un deuxième. Vite fait. Donc et là, qui va être plutôt sur l'album. Ouais. Ah ouais, frère, le passé, c'est bon. On c'est bien, en parler. On l'a fait lundi. maintenant, regardons vers l'avenir. Pas faire que ça. Hakim, petit freestyle tout à l'heure aussi. Un petit 16, comme on dit dans le métier. Je vais gâcher l'album. Je vais péter le buzz. Tu te sens pas de faire un bien à lâcher un petit 16? Un petit 8,5? Un petit 2 peut-être. Voilà. Le 2 tout à l'heure de Hakim. À pas louper. Et juste avant, on est premier un morceau, donc c'est le morceau qui est choisi. Inhumain. Inhumain, tu veux dire un mot sur celui-ci? C'est celui qui ouvre l'album. Hein, c'est celui qui ouvre l'album, voilà. C'est celui qui annonce la couleur. Voilà. On avait balancé un petit extrait là, il n'y a pas longtemps. Un petit extrait vidéo de ce morceau-là. Là, on va l'envoyer en entier. Donc voilà, d'accord. Inhumain, premier morceau de l'album. On exclut en intégralité ce morceau maintenant, Inhumain. Cynic sur l'album qui sort le 13 avril. Envoyez vos retours, la famille, on veut savoir. Si Annika, on est là avec le whoop. Ra Team Cynic, Immortel 2. J'ai vu la mort tourner en boucle, comme une vieille nympho, filmée de près sur toutes les chaînes d'infos. Que de la quantité pour beaucoup, et c'est les mêmes qui nous font croire au coup de la carte d'identité. Leur manque de lucidité, montrer la mort au public entre deux publicités. J'ai peur de BFM et du télé, mais par les temps qui courent, frère, faut faire bélec, j'ai pas dit nickelé. Ils s'enfoncent dans la brèche, en garde à vue, ils mettent des gosses de 8 piges devant leur père, les repères à la crèche. De la merde au fond de la rétine, terroriste avec une tétine. Ils veulent nous comparer à des sous-hommes. Sixo 9 est dans la place. Leur maison avait la gueule de leur maison d'arrêt. Karim Nabil. Pas les financiers. La juge fera la mort dans chaque pénitencier. Les droits de l'homme s'arrêtent devant la porte. Ne crois pas que c'est drôle. Un peu cramé, on veut planer. Après minuit, je ne vois que des drones. Les frères sont des bouteilles. Qu'est-ce que tu veux parier? 2 grammes au fond du corps, il sert un verre en faisant le poirier. Tout n'est qu'une parodie. Rappeur de test, moi si je chante avec une barbe, ça fera peur, je suis pas Pavarotti. Pas là pour faire de l'esbrouf. Tu sors du poste avec tes bleus, t'as l'air du chef. Team Cynic, on vous attend. Nerveux quand ça paiera. Le flic me connaît bien. Paris, c'est devenu plein de caméras. Nous voilà comédiens. Ils enferment Dieudonné. Font des choses insensées. Les mêmes qui rigolaient quand Michel Leb faisait le chimpanzé. Peut-être inconsciemment. Pour où les noirs sont des voleurs. Mais ils oublient que les hommes blancs lui prennent ses gros diamants. Ça pue l'hypocrisie. Mais que vous dire de plus? La preuve, porter le voile ne dérange pas dans les boutiques de luxe. Tu rêves d'un bel appart. Les mères, les plus. Ça sort lundi la famille, Immortel 2. Parfois on loupe le casse. Impossible de faire comprendre à la justice. C'est déjà un préco. Quand on nous coupe le gaz, pas le temps d'être ému. Le monde est un darba braqué. Le PMU chez nous c'est ça, vouloir faire un tabac. Les hommes se font la guerre, ont de la peine. Alors les propos choquent, on n'efface pas la haine. Même avec Photoshop. Le morceau qui s'appelle Inhumain, qui est donc un peu l'introduction de cet album. Hein, c'est ça, ouais. C'est qui traduit un peu l'état d'esprit aussi de l'album. Hein, ouais, quand... c'est ça, c'est ce que je te disais à l'instant. Hein, c'est t'annonces la couleur. Mmh. Et voilà, hein, c'est ce que je sais faire. Voilà, ça me manquait. Il y a eu pas mal de trucs dans l'actu, tout ça. Donc il y avait des trucs, j'avais envie de réagir par rapport à ça. Et ce morceau, il est né de là, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de refrain. C'est juste une envie de parler. Voilà. Cynic, l'album sort lundi, il s'appelle Immortel 2, ouais. Le 13 avril dans les bacs, et on va retrouver, puisque je vous l'ai dit, ce soir c'est vous qui posez des questions à Cynic, aussi avec le hashtag Cynic sur Skyrock, ou par téléphone comme Kylian de Nevers, c'est bien ça Kylian? Ouais, c'est ça. Bienvenue Kylian, je te présente Cynic. Ah bah, je connais déjà, hein. Salut. Ah bah, je savais pas que tu lui parlais régulièrement, je suis désolé. On est potes en fait. On t'écoute Kylian. Ouais, je voulais poser une question à Cynic par rapport à son featuring, le fait qu'il n'y en ait qu'un seul et justement pourquoi lui et pas un autre. Alors pourquoi donc, lui, le featuring, c'est l'artiste. C'est l'artiste, ouais. Mmh. Qui va sûrement d'ailleurs passer nous voir demain. Donc voilà. Et pourquoi lui? Parce que bah, je trouve que c'est un mec talentueux, déjà, pour commencer. Je trouve qu'il apporte beaucoup à l'album. En plus de ça, il est chez nous. Son projet est sorti chez nous, d'ailleurs. Sur le label 6ix9ine. Ça me permet de parler aussi de son projet, parce que c'est important. Il est sorti là, le 30. Phénoméno. L'artiste, je vous invite à aller écouter, parce que franchement, je pense que si vous faites l'effort d'aller écouter, vous allez câbler. Donc voilà, l'artiste. Et voilà, parce que c'est un mec fort, tout simplement. Et pourquoi un seul featuring sur l'album? Bah après, moi, j'arrive à un stade, si tu veux. C'est un peu le syndrome du sixième album. Ça veut dire que quand tu prépares un album, tu réfléchis à tes feats. Et tu te dis, tiens, je vais mettre qui? Après, il y a ceux avec qui tu feras jamais de feat. Tu le sais déjà, parce que ça accroche pas, ou tu vois, il y a la liste, la blacklist. Après, il y a ceux avec qui t'as déjà fait des feats, tu vois, donc, et puis il y a ceux qui restent et qui peuvent apporter quelque chose à l'album et tout. Et sur cet album-là, j'ai pas estimé que j'avais besoin de faire plus de featuring que ça, tu vois. Donc, c'est un album où il y a pas beaucoup de feats, mais c'est volontaire. Il y en a un, mais il est efficace. Et on vous le passera demain, je pense. Kylian, ça te D'accord. convient? Ouais, et j'avais une autre question aussi. Ah, tu gardes. je voulais savoir si t'avais des nouvelles de Diams aussi. Bah écoute, aux dernières nouvelles, tout va bien. Frère, elle fait son petit bonhomme de chemin, machallah, et puis voilà, elle est heureuse, tout se passe bien pour elle. Je crois qu'elle écrit un bouquin en ce moment. Voilà, elle est plus dans l'écriture de bouquin maintenant. Il me semble. Voilà. J'ai vu des deux, trois trucs passer, mais t'as eu des nouvelles ou... Ouais, j'en ai comme ça, t'as vu, tu sais, elle a pris du recul, hein, c'est pas une nouvelle. Elle a pris du recul avec tout et tout le monde. Avec beaucoup de monde, ouais. Après, voilà, on se connaît quand même depuis longtemps, donc j'en ai quand même de temps en temps, et voilà, je sais que tout va bien pour elle, qu'elle est heureuse, donc voilà, c'est l'essentiel. Bon, bah, c'est le plus important et... Ça me fait bien plaisir, en tout cas. Voilà. Et je crois, ouais, qu'on pourra la lire de nouveau bientôt, parce que... Ouais, c'est ça. Il me semble d'ailleurs qu'elle va pas tarder. Tiens, peut-être regarder, aller faire un tour. Je crois qu'elle l'annonçait là à 20h ce soir sur son Facebook. J'ai vu des trucs aujourd'hui. Genre, elle devait annoncer quelque chose à 20h ou 21h. Donc, à mon avis, c'est pour la sortie de son deuxième bouquin. Merci à toi en tout cas, Kylian. Merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée. On va revenir dans un instant avec le medley de DJ Joy. Yes. Est-ce qu'on met un petit morceau? Écoute. Juste avant le freestyle par téléphone? Attends, je vois Karim qui me fait des... Ah, contradiction, on nous dit, Karim me dit dans l'oreillette. Ouais, Karim. Il me dit dans l'oreillette, contradiction. Contradiction, alors vas-y, c'est lui le boss. Ah bah tiens, regarde, Momo qui me file l'info donc de Diams qui vient de tomber là, il y a 28 minutes. Je suis heureuse de vous annoncer la date de sortie de mon nouveau livre, Mélanie, française et musulmane, le 21 mai 2015, voilà. Bah écoute, voilà, on en parle. 21 mai 2015, sortie du nouveau bouquin de Diams. Voilà. Qui s'appellera Mélanie, française et musulmane. Les nouvelles de Diams. Voilà, à l'instant même. Et bah, ça vient de tomber. Yes. On écoute contradiction? Vas-y, ouais. Allez, c'est parti. Et ça se passe sur Insta, Facebook et Twitter. Blah! La drogue nous a baisé la tête. Ma parole, on reste cynique officiel. On parle mal à la daronne. Team cynique. Ridicule, on met des armes dans nos clips. On craint plus Dieu, on flippe du tribunal. Des fois je comprends plus l'homme. Il aime ça. Un gros bisou à Inès. On lit la carte fidélité, c'est au kebab du coin. L'enfer il s'y promène. Main dans les poches, il a les clés du nouveau Porsche. Mais il préfère voler des Citroën. Ils interdisent le joint. Preuve à l'appui pour la vie des gens. Pourtant ils vendent du vin depuis la nuit des temps. Alors ils signeront mon arrêt de mort. Parce que fumer ce n'est pas bon pour la santé. Parole de vigneron. Immortel 2, ça sort lundi. Bleu, 10 balles au magasin. Avoir un prince charmant. Qui dit mieux, chien de la case, va. Triste but, faux, elle ne s'attache qu'au roi des fils de but. Paradoxal, riche, grâce au crime, au football ou à la boxe. T'as esprit, à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxal, riche, grâce au crime, au football ou à la boxe. T'as esprit, à la bouche. Spécial dédicace aux Ulysse 91. Pour être ivre de bonheur. Ici on parle comme des bénévoles. Limite balle, on prétend que c'est la crise. On met 1000 balles dans un téléphone. Des hommes en chute libre. En vrai ça survit, des durs dans leur clip. Pendant que leur mère mange que des curly. Je ne cautionne personne, l'homme est maître de lui. Ouvrir le feu est aussi bête que 10 mètres de lui. Ils parlent de liberté, font de la dictature. Demain si je vous baise, m'en voulez pas, c'est une caricature. Dédicace à Pikachu, des tarterés. Je t'aime à des putains. 91, Chico, j'ai peur de ce Torsi, Joe Black. Elle ne couche pas le premier soir pour faire la tasse, elle attendra. Et à tous les mecs au trou. C'est désormais, tu perds la vie en garde à vue. Aucun voyou n'est plus dangereux que le quai des orfèvres. Ils parlent de l'islam, polygame, tous des faux culs. La première dame de France le est royaume cocu. De la triche, paradoxal. 91, on est là. Nique tous les honneurs. Comme un ouf pour être ivre de bonheur au royaume de la triche. Fille paradoxe, c'est l'équipe officielle. Son crime au football ou à la boxe style. Spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Quand on est jeune, on veut rapper sa ville. Paradoxal, rester ici à 35 piges, s'appelle rater sa vie. Bagarre au verre pilé, faut assumer, on dit aux petits de pas fumer. Ce qu'on préfère, nous c'est les faire dealer. Ils prennent la peine de mort, ces fils de chiens, ils ont le même harnais. Ils coupent la main qu'ils ont eux-mêmes armés. Donc ils crient liberté, port d'armes. Les calages deviennent moins rares que certaines Jordan. Gire, de quoi souiller son linge. Contradiction, c'est le frère dans l'addiction qui parle de Dieu en train de rouler son ouinge. Pas de raison valable. Contradictoire comme un Le Pen au rayon halal. Le royaume de la triche, vie paradoxale. Ça sort lundi, Mortel 2. Ou à la boxe, taille, spliff à la bouche. Nique tous les honneurs. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale. Riche grâce au crime, au football. Ou à la boxe, taille, spliff à la bouche. Nique tous les honneurs. Dédicace à Hicham. Tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Six oh nine. Cynique et le morceau Contradiction, ça aussi il y a le clip hein, qu'on peut mater sur ta chaîne. Ouais, les deux, le cancer de la banlieue et Contradiction, c'est clippé. Et la chaîne qui est? La chaîne qui est Cynique officiel. Ça doit être ça. Bah oui, c'est ça. Voilà, Cynique officiel sur YouTube, partout. Tout sauf sur Insta. Cynique officiel, ouais. Ouais, sur Insta, Cynique tiré du bas officiel. Parce que l'autre c'est Cynique officiel. Mais non, mais l'autre Insta, Cynique officiel, c'est pas le bon. Non, il est piraté, il est piraté. Il y en a un, faut plus le calculer. Le bon sur Insta, c'est Cynique, le tiré du bas officiel. Yes. Avec ce son Rakim qui t'a rejoint, qui fait partie de l'équipe du Wu. Tu tapes Cynique sur YouTube, tu tombes directement sur sa chaîne. Ouais, c'est ouais, ça, normalement. Tout de suite. Un peu de tout ça, c'est un mec qui se connaît, ça. C'est... Mais eux, c'est, ils ont inventé le net. C'est les mecs qui ont inventé le net, en fait. Ils sont nés dedans. C'est quoi les prochaines vidéos d'ailleurs du Wu? Il y en a d'autres qui arrivent? Bah, la prochaine, c'est une parodie qu'on a fait de la télé-réalité. Ça s'appelle Tout ta Kaira. En gros, c'est 7 Kaira qui sont placés dans une grosse maison. De Punta. Bah ouais, c'est en République Dominicaine, on a tourné là-bas directement. Et ouais, la prochaine, elle sort. Bah, c'est quand Camille, il a dit? Non, tu sais pas? Plus tard. Camille dit plus tard. Ouais, plus tard. Bientôt en tout cas. Elle dit plus tard. Ouais, bientôt, très vite. Donc il y a aussi une chaîne pour le Whoop, pour vous retrouver ou séparément? Non, tu tapes le Whoop, il y a toutes nos vidéos dessus sur YouTube, partout. Ouais, vous tapez des barres de rire, allez faire un tour là-dessus en tout cas. Et il y a Hakim ce soir, vous allez le retrouver aussi sur scène à partir du 10 avril du côté de Marseille, le 11 à Perpignan et du 17 au 30 avril à l'Apollo. Exactement. L'Apollo Theater. Exactement, ouais. Faudra que vous passiez d'ailleurs. Ouais. Bon, on ira faire un tour en tout cas. Bien sûr. À pas louper, je vous présente NRC de Salon de Provence. Salut NRC. Ouais, salut, alors comment ça va dans le 13? Bien, quoi, Fred? Bien en forme? Ça va, tranquille, on est là hein. Eh bah écoute, bienvenue. Aïe le masque. Je te présente Cynique qui est notre invité cette semaine. Salut. Ouais, alors Cynique, ça va ou quoi le coup? Bien quoi frère, tranquille. Ça va, tranquille, t'as le salam du 13-300 hein. C'est ouais, gentil frère, parce que salam à tout le monde. Ça va, c'est bon, pas trop, vas-y, tranquille. T'es tranquille, Marseille, les gens du sud sont toujours tranquille. Frère, c'est normal. Bon, NRC, est-ce que tu es prêt à nous faire un bon freestyle, nous lâcher un freestyle? Ouais, c'est bon, je suis paré, hein, c'est bon. Eh bah, si t'es paré, on y va, mon pote. Vas-y, ok. Ouais, écoute. Yeah, t'es dans la boîte. C'est dans la boîte, ok écoute, hein, yeah, c'est dans la boîte, putain de peu qui il est carré. Monsieur l'agent, je n'ai rien à déclarer, enlève-moi ces putain de punch. C'est souvent quand t'as du liquide que l'œil tu trinces. Mes lyrics sont fermes comme cette salope et ça perd un. Au sac à sortie, ça zone sans rail. Pas de grenaille, calibre sans rail, pas de coup de crosse, que des balles réelles. Fidèles, pas corrompus comme l'inspecteur Mel. Ils sont pas contents, ben ouais poteau c'est pareil. Y'a personne pour me rendre l'appareil, ils ont oublié ce que j'ai la veille. C'est coupé, c'est le fané, ce casse famille, c'est le fameux. On perd trop de proches, on se fanait. Nique la merde, c'est haineux. L'esprit vient avec un terre, un cahier, un stylo, un tropico. Y'a peu de vrai que défaut. T'es encore nerfé au micro. Toujours prêt pour rapper, représenter l'air frais du ghetto. Négro, je raconte pas de bobards. Trop d'MC au vécu à Babar. L'esprit vient avec un gros pétard. Je reçois ce studio, je crois chaque pénard. Tu veux du beau sang, bête en aura. Vervé comme un machin Camorra. Énervé, NRC, retiens bien ce putain de blas. Je vais tous les grailles comme un plat asiatique. Noir de peau, beurre. Tu sais qu'on est maigra. Monde affiquera, qui trafiquera. Tu parles de rhume, dis-moi, t'as vu quoi? Je vais tous les grailles comme un putain de plat asiatique. La famille, okay. On est là. MRC avec à l'instant. Ouais. En freestyle, t'es avec qui alors? Y a qui avec toi comme poteau? Ah, y'a mon frère Khalil là, ça, il va faire des dédicaces. Ah, bah alors on y va pour les dédicaces, c'est parti. Ouais, sur le chemin, Adel, Hamishou, Gileli, Lazare. T'as l'honneur, le frère. Ah là là, frère Gileli, frère. Et si Yannicka, t'as le célèbre du 13-300, hein? Si, frère, passe le salam à tout le monde, t'inquiète, on est ensemble. Frère, Adel, tu t'ouvres, frère Hamishou, les frères en prison. Eh ben, on salue tout le monde. Merci à toi, en tout cas, NRC. Merci la France, les gars. Et ton pote derrière qui était en freestyle par téléphone. Kim, t'as pas donné envie de freestyler de... Bah, tu sais quoi? De lâcher un deux. Franchement, moi, je dis, comment dire, chacun son métier, quoi. Il y a des mecs qui sont, moi, j'écoute. Bah, dans mon équipe, il y en a qui rappent un peu. Bah, Youssoupha, Mr. V, ils aiment bien ça, mais c'est un peu. C'est vrai que Youssoupha Diaby, il avait une carrière à une époque. Il voulait se lancer dans une carrière à une époque. Je crois qu'il avait fait un freestyle avec Cynic. Il avait déjà rappé. Le côté malsain, je m'en rappelle. Voilà, il prépare un album d'ailleurs. Eh ben très bien, ouais. Bah, tu le salueras de notre part. Avec plaisir. Ainsi que toute l'équipe du Whoop qu'on retrouve sur scène. Et ce soir, donc, une petite partie du Whoop avec Hakim qui vient présenter. Ils étaient là, on les remercie, ils sont venus représenter. Franchement, tout c'est le monde cool. Soutient, merci à eux. Ils s'excusent de ne pas pouvoir s'être libérés ce soir, mais ils essaieront de passer dans la semaine. Vas-y, frère. Et bah, quand ils veulent. Quand ils veulent. Joy est debout, je crois qu'on peut y aller maintenant. C'est le medley extrait de... C'est ton album, on se tourne sur l'album maintenant, ouais, Immortel 2. Celui qui sort lundi, Immortel 2, petit medley, DJ. Allez, Joy. C'est parti. This is a DJ Joy exclusive. DJ Joy. La provoque, pas une seule rime sans gros mots. Pareil que je suis dead, fais 50 000 sans promo. Les jaloux me souhaitent le pire, ils oublient que je suis fort. Disque d'or sans faire de clip, c'est juste de rire que je suis mort. Bonhomme inclashable, cette rage est nourrissante. Bande de lâches lorsque le chat n'est pas là. Les chouris, ils croiraient que j'étais dead. Ma haine est ancestrale, je reviens vous baiser comme Zidane. Le rap game c'est France-Espagne. Parce que les hommes font leur devoir. Tant pis si tu me vois moins, si je suis... Ça sort lundi, la famille, Immortel 2. Crois-moi, c'est la jura, pas la peine de perdre du bruit. DJ Joy. Palmarès de sous-merde, ma paresse de clinquant. Ce qu'ils font croire, c'est Chicago, ce qu'ils vivent. J'ai un préco. C'est la guerre, fini la trêve. Faut que je me prépare à quoi d'autre. Ils aimeraient tellement que je crève. Ils font des rêves à voix haute. Et la street me frôle. Que des projets solides, mon équipe en solo. Je fais mes dièses. Frérot, ça fait tant long. J'ai toujours les temps longs. Au grand jour ou temps long, je les pèse. Et la street me follow, que des projets solides, en équipe, en solo, je fais mes dièses. Frérot, ça fait tant long, j'ai toujours les temps longs, au grand jour ou grand long. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser. À tout prix, être une machine de billets, en privé, j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame? Le prix du passé, si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets. Rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ça sort lundi, si Annika on est là. J'ai le cancer des mecs de banlieue. Personne ne m'engage. Les coups de tête, je connais que le monde. Je vois le mal partout. Tais-toi, tu parles. Si Annika lâche, fais des doigts. Cagoule, Kaira. Portage, syndrome de la cité. Obtenir le studio gratos. Gratter l'état avant qu'un pote pétale le spécial marteau. Pour Chico. On n'est pas mauvais, mais tellement de choses à prouver. On ne cherche pas de taf, on se plaint de ne pas en trouver. On pleure le manque de thunes. Si tu peux branler, les profs nous l'avaient dit. Fallait bosser plutôt que se branler. La solidarité, on fait croire que ça nous tourne. Dédicace à tous ceux qui se reconnaissent. Vive collectif que dans les tournantes. Tous les banlieusards. Gratuite, police et maton. Dommage pour se faire battre. On a nous-mêmes donné le. Les battre. Mecs des endroits on sombres. La merde. On le baisse en mettre de vaseline. En insultant son père et sa mère comme Samir Nasri. On ne s'aime pas maintenant, c'est visible. Les trophées du hip-hop. On révélait notre hip-hop crise. La force venait du nombre. Le rap s'est tué, les seuls trophées du monde où les gagnants se faisaient huer. Alors on chante notre haine comme des rossignols. Des marionnettes qui n'ont même pas leur place au guignol. On ruine le peu qu'on a, c'est dommage, maladie mortelle. Je pense que les seules balles qu'on a tirées visaient nos orteils. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre. Si je pense qu'à tout écraser. A tout prix, si Annika on est là, 609. J'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame? Immortel 2, ça arrive. Si j'ai appris à faire des liasses avant de fermer la série. Et un dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête.

Je vais les payer tous ces t-shirts à ma gloire. Peur du jugement suprême, les flammes de l'enfer. Ce genre de peine impossible au tribunal de Nanterre. Au paradis, ça Mortel 2, ça sort lundi, la vraie force, 13 avril. Dans le muscle, la prière t'enrichit. On est les seuls décideurs. Faut pas qu'on monte avec un compte débiteur. Les attitudes, mon métier. Mes habitudes, mon train de vie, j'ai oublié qu'on m'épiait. De la haine en musique, y'avait mieux à prêcher. C'est pas au rayon savon qu'on peut laver ses péchés. Que du rap, une spéciale pour le vous. C'est pas une boîte sur les champs, y'a pas de table réservée. Dans une course au dollar, entouré de plein de filles. Génération McDonald's, impardonnable train de vie. Tellement d'erreurs de parcours. Des belles rebeux, le célibat, la veuve, les Pays-Bas. Voilà, ce medley réalisé par DJ Joy. Toujours merci, là, bravo, bravo, Werper, on a fait applaudir. Yes. Il revient sur une partie des morceaux, il n'y a pas tout encore. Ah, on va pas cramer l'album non pas plus. Tout, hein. Pas tout, on n'est pas fou. Une partie des morceaux, on a pu entendre un peu justement tout à l'heure, on parlait de l'artiste. On a pu entendre un bout de ce morceau qui s'appelle Au bout de ma life. Yes, Au bout de ma life. De toute façon, je pense qu'il sera là demain. Donc voilà, on en reparlera. Et ben on en reparlera demain entre 20 et 21. Merci en tout cas, on va saluer Hakim qui était là pour représenter le Whoop. Un gros plaisir d'avoir été là avec Cynic et toi pour l'album de Cynic. Hein. Donc lundi dans les bacs, c'est un plaisir. On est content. Immortel 2. Yes, Immortel 2. Et puis on ira voir aussi l'équipe. Le Whoop, on remercie tous ceux qui étaient là aujourd'hui dans les studios. Yes, on continue main de. Le Whoop, c'est un peu comme quelque part l'indépendance tour que vous aviez fait avec l'escadrille, avec Tandem. C'est exactement le même concept. Franchement, c'est vrai. C'est ça. C'est, en fait, eux, ils ont compris que l'unité, ça pouvait être quelque chose, tu vois, plutôt que de se tirer dans les pas, tu vois. Tout de suite, ils se sont associés, tu vois. C'est un truc que dans le rap, on a eu du mal à faire. Nous, on l'avait fait, c'est vrai, à l'époque. L'indépendance tour, hein. Puisqu'on était trois groupes qui n'avaient rien à voir et on avait décidé de faire une tournée comme ça ensemble pour kiffer. Tandem et l'escadrille, ouais, c'est ça. C'était en 2004 et voilà. Et au final, c'était un bon délire. Et c'est quasiment, ouais, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils se sont tous mis ensemble. Ils ont formé un collectif. C'est je sais ça. Pas si on peut appeler c'est ça, ça comme ça. Ouais, c'est plus des potos. Ouais, on n'aime pas trop le terme de collectif parce qu'on est plus des potos. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. C'est une équipe. Alors. Ouais, c'est une équipe. Voilà, c'est une équipe. C'est ce qu'on dit tout. Et ça remplit des salles tous les soirs, tu vois. Donc c'est ça, ils ont tout capté. Et donc là, à Paris, au théâtre Apollo. C'est ça, exactement. À pas louper. Et puis en tournée dans toute la France. Tout à fait. Allez suivre, il y a le Whoop Gang. C'est ça, le Whoop Gang, ouais. C'est comme ça que l'appellation en entier, quoi. C'est le nom de l'équipe pour retrouver toutes les dates, justement. Vous retrouvez. Bah, tu salues aussi toute l'équipe et on viendra vous voir, en tout cas. Avec plaisir. Passez un beau moment sur scène pour les retrouver. Et avec l'équipe du Whoop. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ton casque Power Beats 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Mélanie de Vannes, ça va bien, Mélanie? Ouais, salut l'équipe, salut Cynic. Salut Mélanie, comment ça va? Ça va super. Eh bien, bienvenue, tu es prête à faire tourner la roulette? Ouais. Eh bien, on y va. On la lance, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. C'est un stop, ok, magnifique. Et la roulette? Et ben voilà, Sam Smith, l'album est 50 euros en bon d'achat pour acheter 5 albums de Cynic puisqu'il est à 10 balles. Voilà, c'est ça, 10 euros. Voilà, tu sais déjà ce que tu vas en faire. Voilà, c'est le bon d'achat, tu fais ce que tu veux, on t'envoie ça du côté de Van, Mélanie. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Je te fais des bisous, passe une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Yes, merci à toi. Cynic de retour demain. Ouais, on sera là. Hein. Petit dernier message, petite dernière dédicace. On remercie le Whoop d'avoir été là, tous comme les potos. C'était un gros plaisir. Et puis voilà, on continue l'aventure demain, hein, tranquille. L'album il sera là lundi. Le clip, le concert de la banlieue, il est dispo. On l'a dit, les réseaux sociaux, n'hésitez pas, Instagram, Facebook, Twitter, on sera là. Merci à DJ Joy qui était là aussi Joy avec aussi, nous. Ouais, un gros big up à lui pour le medley, il a taffé grave. Donc voilà, merci à lui. Et on va retrouver maintenant Diffoul et toute l'équipe pour la radio libre, normalement, si on tout est le monde là, est là. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Romano, j'entends bonjour, ta douce, bonjour Fredo. Ah, Diffoul aussi. Comment ça va? Et tout le monde est là. Ça va? Tout le monde s'installe. Vous étiez en train de courir, oui, peut-être. Bien. C'est la folie, ce je soir. Je sens un souffle. Non, ça va, Fred. Non, mais Romano. Non, je fume. Ah ouais. Et voilà. C'est pas le même souffle. C'est fou, hier il est arrivé bourré. Aujourd'hui, il fume. Ouais, tout va bien. Et ta santé, Romano, dis donc. Ah ouais, fais gaffe quand même. Non, mais j'y fais gaffe. On veut te garder en pleine forme. Mais j'espère aussi. Mais oui, on a besoin de toi, tu le sais, tous les soirs. Mais oui. Bon, Cynic aussi, on a besoin de toi, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Au moins. T'inquiète, normalement. Il en pas. On devrait tenir. Tu tiens le choc. Ne fume pas trop, ne bois pas trop. Surtout pas. Surtout laisse-toi pas engueuler par Fred parce que faut se méfier. C'est vrai qu'il fout la merde, Fred. Ah, t'as vu, hein. Ah, tu vois, c'est pas les mecs qu'il faut rencontrer, ça. On l'appelle l'engraîneur, hein, Fredo. J'ai une vie très saine, sauf le vendredi. Ouais, c'est ça, Fred. Et le samedi, le dimanche. Ça peut arriver aussi. Ça arrive aussi, oui. C'est des choses qui arrivent, mais là, non, début de semaine, ça va. Hein. Bon, bah, merci en tout cas, Cynic, pour le Planète Rap. Merci à vous. Hein. Le rendez-vous, c'est demain, 20h-21h, yes, sur Skyrock, à pas louper. Fred, même chose. Eh ben, on sera là. Et oui, puis nous, le rendez-vous, là, c'est tout de suite maintenant, allez-y. 01 53 40 30 20, on vous attend, toute l'équipe est là. Et ouais. Marie, vous l'entendez. Ah, on l'entend. Romano, vous l'avez entendu. Ouais. Cédric, il est là. On est là, ouais. Samy s'installe aussi. Tranquille. Et Karim est déjà avec vous au téléphone. Bah, vous voyez, c'est déjà la folie ce soir. Et Momo est derrière. Momo, il est là et j'ai à mes côtés. Derrière toi. Je vous l'envoie. Oh, bah, écoute, merci. Attention à l'atterrissage. Hein. Oui. Bon, merci Fred, merci Cynic. Demain, rendez-vous avec vous. Yes. Et là, on va démarrer avec. Tiens, on se fait un petit coco là tout de suite. T'aimes bien OT Genesis, Cynic? OT Genesis. Ah, mais non. Love with the coco. Ouais, ouais, c'est lourd. C'est super lourd. Et bah, c'est du lourd pour démarrer. Alors, allez. OT Genesis pour démarrer la soirée. Et au 01 53 40 30 20, je vous le disais, si vous voulez passer dans l'émission, faire les cons avec nous jusqu'à minuit, c'est parti. Merci Fred, merci Cynic. De rien, de rien. À demain. Bonne soirée. Et bah oui, demain. Salut. 20h-21h, Planète Rap tous les soirs. Nouvel album de Cynic et OT Genesis tout de suite sur Sky.